Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio Gamozo, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis dans l'émission Les Clés du Succès. Vous n'aurez plus aucun secret sur vos tubes préférés. Parlons aujourd'hui de la personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman. Il y a tant à dire sur lui que ça me prendrait des heures, mais je veux revenir sur l'un de ses singles, Je te donne. Le single le plus connu de ce répertoire. En 1985, Jean-Jacques Goldman et son complice Michael Jones font vibrer le top 50 avec « Je te donne », une chanson qui revendique la tolérance et la différence. Plein feu sur ce titre que le chanteur a choisi de sortir en single contre l'avis de sa maison de disques. « Je te donne » est avant tout une belle histoire d'amitié entre deux talents passionnés de musique, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Leur rencontre remonte en 1977. À cette époque, Jean-Jacques Goldman fait partie d'un groupe appelé Taifong. Pour se faire remplacer lors d'une tournée, il passe une petite annonce dans un magazine spécialisé et rencontre un guitariste et chanteur gallois dénommé Michael Jones, avec lequel il sympathise rapidement. En 1977, Michael compose plusieurs titres pour leur dernier album de Taifong. Last Flight, l'amitié entre Jean-Jacques Goldman et Michael servi de la dissolution du groupe, si bien que lorsque la carrière solo du chanteur prend son envol au début des années 1980, ils continuent de travailler ensemble. Ainsi, en 1983, lors de la première grande tournée de Jean-Jacques Goldman, ce dernier invite son pote Michael à l'accompagner sur scène. L'année suivante, alors qu'il travaille sur son quatrième album non homologué, Jean-Jacques Goldman a l'idée d'enregistrer une chanson en duo avec Michael. Celle-ci s'intitule « Je te donne ». Évoque la force et la richesse des différences. Jean-Jacques, qui s'est toujours battu contre les extrémistes, l'a écrit en réaction à la participation du Front National à l'élection européenne. L'idée de confier Michael le chant en anglais est une façon pour lui d'accentuer encore un peu plus son message d'universalité et d'amitié malgré les barrières des langues. I can give you the voice, bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Que j'imagine et ce que je crois. La chanson terminée, Goldman est très fier du résultat, au point de l'écouter chaque jour des dizaines de fois. Il est persuadé de détenir un tube en puissance. Sentiment rarissime chez lui. Sa maison de disques CBS, en revanche, est moins enthousiaste. Le marketing pense qu'en duo n'est pas forcément une bonne idée pour valoriser l'image du chanteur. Les directeurs artistiques veulent bien que le titre figure sur l'album, mais en aucun cas qu'il ne devienne un single. Jean-Jacques insiste et obtient finalement gain de cause. L'album homologué sur lequel figure Je te donne sort en novembre 1985, suivi du 45 tours, qui dès le mois de décembre se classe au top 50. Il reste numéro 1 pendant 8 semaines, énorme succès resté dans toutes les mémoires. Aujourd'hui encore, cette chanson sur la tolérance est apprise dans les écoles aux nouvelles générations. Point anecdote. En 1996, en pleine mode de boys band, le groupe Warz Apart, sous l'impulsion de leur manager, fan de Goldman, reprend une version dance. Je te donne. Tout en respectant les paroles et la mélodie originale. Avec cette reprise, ils connaissent un gelé succès et permettent aux jeunes de découvrir cette chanson créée 11 ans plus tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la dernière de la saison. Je vous retrouve très vite. À bientôt sur la radio Gamozo. Salut! I can give you the voice, bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in heart.